Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes dans notre deuxième semaine sur l'Évangile de Luc. Et nous allons voir aujourd'hui la rencontre entre Élisabeth et Marie. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est avec joie qu'on s'approche encore de ta parole. Nous voulons juste mieux comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce monde. Sans ta parole, on ne peut pas savoir, on ne peut pas même imaginer qui tu es et ce que tu veux. Et aujourd'hui, par la rencontre de ces deux femmes, qui sont des miraculés, les deux, dans le sens qui ont vécu des miracles dans leur vie, nous aimerions mieux comprendre ce que tu veux nous dire. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint à travers les Écritures. Amen. Je vais résumer un petit peu. Peut-être vous demandez pourquoi je résume tant. C'est parce que je vois tellement d'enseignements sur Internet ou ailleurs, qui sont des enseignements hors contexte. J'en vois tellement. On enseigne un texte sans jamais parler vraiment du contexte du livre et on demande aux chrétiens tout simplement de croire sur parole ce que l'enseignant dit. Mais il y a un contexte à chaque texte. Donc, ce contexte de la rencontre des deux femmes, de Marie et d'Élisabeth, est dans un contexte de l'Évangile de Luc. Et l'Évangile de Luc, c'est l'évangéliste Luc, bien entendu, qui veut faire comprendre à Théophile, son ami, que ce qu'il a entendu en ce qui concerne Jésus est vrai. Ce qu'il a entendu en ce qui concerne Jésus est basé sur des témoins oculaires, sur des faits, sur des personnes, dans des villes, à une époque bien précise. Donc, ce que tu entends, Théophile, n'est pas été inventé par quelques hommes ou quelques femmes qui ont eu des visions ou des songes ou des idées un peu bizarres. Non. Ce que tu as entendu, Théophile, vient des témoins oculaires. C'est ce que je vais te démontrer dans mon livre. On a vu jusqu'à date que un ange appelé Gabriel a apparu à Zacharie et lui a dit « Toi et ta femme, malgré que vous êtes avancés en âge, malgré que ta femme est stérile depuis toujours, Dieu va intervenir par un miracle et va vous donner un garçon. » Et c'est ce garçon-là qui va rappeler le peuple d'Israël vers son Dieu, qui va appeler le peuple d'Israël à se repentir et ainsi préparer un peuple bien disposé pour le Messie qui va arriver. Donc, on a vu ensuite Zacharie qui retourne chez lui et sa femme devient enceinte et elle dit, dans une action de grâce à Dieu, « Merci que tu as enlevé dans ta grâce mon opprobre. » Et on a vu que ce n'est pas son opprobre de femme stérile, mais c'est son opprobre spirituel de femme juive qui était dans l'opprobre spirituel à cause que Dieu les avait repoussés parce qu'ils avaient rejeté leur Dieu et ils étaient sous l'esclavage de l'Empire romain. Ensuite, on a vu le même ange Gabriel qui a apparu à Marie et qui a dit « Marie, tu vas devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit, sans l'aide d'un homme, sans l'aide de ton fiancé Joseph. Tu vas devenir enceinte et l'enfant qui va venir va être un homme humain venant de toi, mais un homme, un être aussi spirituel et divin parce qu'il va venir par un miracle du Saint-Esprit dans ta vie. Il va être le Fils de Dieu et il va recevoir de Dieu le trône de son père David. Il va régner sur le peuple de Dieu. » Et là, c'est là ce que nous sommes rendus. Marie En entendant cela, parce que l'ange lui avait dit pendant sa visite, ta parente aussi, Élisabeth, cette femme trop âgée pour avoir des enfants est stérile. Elle est enceinte de son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour Élisabeth et Zacharie pour avoir un enfant. Et rien n'est impossible à Dieu pour une femme vierge d'avoir un enfant. Qui va être divin, pas juste humain. Ça aurait été déjà un miracle qu'une vierge ait un enfant. Mais une vierge qui a un enfant divin en plus, ça c'est un double miracle. Donc nous allons lire, si vous voulez bien maintenant, le texte de chapitre 1, verset 39 jusqu'au verset 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc, ici, dans notre texte, va démontrer des choses qui, lui en tant qu'homme, lui en tant que médecin, Luc, sait qu'il y a des choses qui se passent dans la visite de ces deux femmes-là, qui est en dehors de la capacité humaine. Ça se peut pas que ces deux femmes-là aient vécu ce qu'ils ont vécu sans qu'il y ait une intervention divine. D'abord, Marie, ayant entendu par l'ange que sa parente était enceinte de 6 mois, pour elle, c'est probablement une nouvelle. Souvenons-nous que Élisabeth s'était cachée pendant 5 mois, donc elle n'avait pas dit vraiment qu'est-ce qui se passait. Donc, Marie a appris par l'ange qu'elle était enceinte, elle avait 6 mois de fait. Donc, elle décide d'aller voir sa parente. Mais comprenons bien, Marie est à Nazareth, dans le nord de la d'Israël. Et Zacharie vit en Judée, ou dans la tribu de Juda, qui est au sud d'Israël. Donc, Marie va partir, va préparer son voyage, elle va partir et descendre, elle va traverser le pays d'Israël, du nord au sud presque, et elle va facilement faire une centaine de kilomètres probablement, à pied, ou avec un âne ou quoi que ce soit semblable, et elle ne va pas partir toute seule, parce qu'une femme ne traverse pas le pays toute seule. Donc, elle part avec sa petite gang et elle va traverser. Ça va y prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Combien de temps? On n'est pas sûr. Mais elle part parce qu'elle veut aller se réjouir avec sa parente qui est enceinte, qui est dans son sixième mois. Est-ce qu'elle voulait aller vérifier ce que l'ange avait dit? Peut-être aussi. Ça aurait été intéressant. Marie est une femme comme toutes les femmes. Et la curiosité ou le désir de savoir si tout cela arrive vraiment, ça n'a pas la berlue. Donc, elle descend chez sa parente Élisabeth. Quand elle arrive, le verset nous dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua sa parente. Et là, il se passe quelque chose. Il dit, Élisabeth entendit la salutation de Marie et son enfant tressaillit dans son sein. Le mot tressaillit ici est un peu spécial. Il y a juste Luc qui l'emploie dans le Nouveau Testament 3 fois. Ici, il dit au verset 40, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth va dire à Marie un peu plus bas dans le verset 44, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc, deux fois dans ce texte ici, et une autre fois dans Luc chapitre 10, où est-ce que c'est Jésus, adulte, qui va tressaillir de joie ou d'allégresse. Donc, le mot tressaillir, nous autres, on a pensé tout de suite que ça voulait dire « il a bougé ». Est-ce que c'est vraiment ça? Et s'il aurait bougé, comment aurait-elle pu savoir qu'il avait bougé d'allégresse ou de joie? Quand Jésus a tressailli de joie, est-ce que Jésus a bougé? Je crois pas. Est-ce qu'il a sauté? Est-ce qu'il a envoyé Pat les mains dans les airs? Non, c'est un sentiment intérieur d'une grande joie. Dans la vie de Jésus, que s'était passé? On va le voir, mais qu'on arrive au chapitre 10. Qu'est-ce qui avait causé cette grande joie-là dans la vie de Jésus? Donc, ici, ma compréhension, il me semble la meilleure, c'est que l'enfant dans le sein d'Élisabeth a une grande joie en entendant la salutation de Marie à Élisabeth. On pourrait se poser la question, mais quelle sorte de joie un enfant qui est en quelques semaines, quelques mois, je veux dire, ou six mois, comment peut-il être rempli de joie par l'arrivée d'une femme? Même si on oserait dire qu'il a compris qu'il y avait une femme qui arrivait, qui saluait Marie, et que Élisabeth, et que Marie est dans la joie, et que lui, ça lui fait une grande joie de voir arriver Marie. On ferait beaucoup de spéculations de penser cela. Mais en même temps que l'enfant tressaillit de joie dans le sein d'Élisabeth, Élisabeth va être remplie de l'Esprit. Souvenons-nous, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Même si c'est les Évangiles, on est encore sous l'Ancienne Alliance. Et l'Esprit vient sur les personnes dans l'Ancien Testament, pour une période courte ou un peu plus longue, pour quelque chose de très précis, et ensuite le Saint-Esprit se retire. Et ici, le Saint-Esprit vient sur Élisabeth pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe. Et elle va dire des choses qui est au-delà de sa capacité de femme ou d'être humain. D'abord, Élisabeth fait un lien entre s'il n'y a pas eu de bouge, que l'enfant n'a pas bougé, s'il n'y a pas eu ce mouvement physique là, à l'intérieur, même s'il y aurait eu un mouvement physique, comment aurait-elle pu penser que ce mouvement-là physique était en lien avec l'arrivée de Marie? Comment aurait-elle pu savoir ça? Il n'y a rien. Même le docteur Luc sait très bien que c'est pas possible. Mais à cause qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle sait que son enfant dans son sein est rempli de joie à l'arrivée du Messie, à l'arrivée de Marie. Mais pas à cause de Marie, mais à cause que Marie est enceinte du Saint-Esprit, de Jésus, du Messie. C'est comme si par miracle, Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, est rempli de joie devant celui qui va devoir, 30 ans plus tard, présenter au peuple d'Israël comme étant le Messie. Tout cela dépasse l'entendement humain. Pas l'entendement, mais la pensée humaine ou le raisonnement humain. Une femme, son enfant tressaillit, même si on voudrait dire qu'il a bougé, par la puissance du Saint-Esprit. Humainement, elle ne peut pas faire de lien avec Marie et elle ne pourrait pas savoir que Marie est enceinte encore. Marie arrive, elle est vierge, elle n'est pas mariée, donc présupposée pas enceinte. Mais là, à cause qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle comprend que son enfant a tressailli de joie. À cause que Marie est enceinte, c'est ce qu'elle déclare au verset 42. Tu es bénie entre les femmes. Ça veut dire que tu étais choisie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de ton sein est spécial. Il est à part des autres. Il n'est pas comme tous les enfants. Il n'est pas comme mon Jean à l'intérieur. Ton enfant est béni. Ton enfant est, qu'elle va dire au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » La mère du Messie, qui est le Seigneur, comment, quel privilège m'est accordé, quelle grâce m'est accordé que toi, Marie, la mère du Messie, tu viens me voir. Et là, à cause qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle réagit. Elle sait, sans que Marie ait dit un mot, sans que ça paraisse physiquement, elle sait que Marie est enceinte du Messie, du Seigneur. Et n'oubliez pas que Jean-Baptiste aussi est rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Gabriel avait dit à son père, Zacharie, dans le temple, « Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Mais lui est aussi rempli du Saint-Esprit dans le sein d'Élisabeth. Donc, lui, par une puissance divine, est rempli de joie parce que le Messie est là, tout près de lui, dans le ventre de Marie. Voyez-vous, ce qui se passe ici, c'est que Luc est en train de dire à Théophile, « Écoute bien, Théophile, ce qui s'est passé, Luc, dans la rencontre de ces deux femmes-là. » Deux personnes remplies du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a tressailli de joie, poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il sait que Marie est enceinte du Messie, qui est le Seigneur. Élisabeth, qui est remplie du Saint-Esprit, elle aussi réagit d'une façon plus qu'humaine, d'une façon poussée par le divin, poussée par Dieu, l'Esprit-Saint, et elle déclare, « Mon enfant vient de tressaillir d'allégresse dans mon sein, et je sais que toi, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, ton enfant est béni entre toutes les enfants, et tu es la mère du Seigneur, la mère du Messie. » Elle réagit de façon poussée par le divin, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est pour ça qu'elle va dire au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, elle dit, « Heureuse es-tu, Marie, parce que les choses que l'ange te dit de la part du Seigneur, que Gabriel te dit, vont s'accomplir. » Cette petite rencontre entre deux femmes, dans une maison de la tribu de Juda, est dirigée et contrôlée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui intervient dans la vie de Jean, encore fœtus, le Saint-Esprit qui agit dans la vie d'Élisabeth, qui sait des choses tout d'un coup qu'elle n'aurait pas dû savoir humainement parlant. Donc, pour Théophile, lui, il sait maintenant que cet enfant-là, dans le sein d'Élisabeth, est spécial, et l'enfant qui est dans le sein de Marie est spécial, sont tous les deux des enfants qui sont nés à cause d'un miracle de Dieu, et qui vont avoir un rôle commun, c'est d'établir le royaume de Dieu. Jean va préparer un peuple bien disposé pour le Messie, et le Messie, lui, va les sauver, va les régénérer, afin de produire un peuple qui va servir Dieu, son Père. Luc raconte à Théophile cet événement-là parce qu'il est particulier, très particulier, qui sort des capacités humaines, un bébé qui tressaille de joie à cause de l'arrivée d'une femme, et une femme qui sait que sa parente, qu'elle est enceinte du Seigneur, du Fils de Dieu, qu'elle est enceinte du Messie, et que ce Messie-là, que cet enfant-là, béni dans le sein de Marie, va être un jour le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu. Notre bon Père du ciel, quel événement spectaculaire, spécial. Ça s'est passé dans une, probablement une petite maison, dans la tribu de Juda. Le monde entier continuait à tourner de façon très normale. Mais ces deux femmes-là ont vécu un événement où il y a eu une intervention divine. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans Jean, dans un fœtus. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans une femme âgée, enceinte de 6 mois, qui réalise la grande accomplissement des promesses de Dieu. Le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Dieu s'est incarné. Dieu est dans le ventre d'une femme appelée Marie. Merci, mon Dieu, que tu nous as parlé de cela ce matin. On voit que la venue de ton Fils n'est pas quelque chose de hasard. Tout s'est fait sous ton contrôle, par ta puissance, par ton Esprit Saint. Les choses se déroulent selon ton plan, selon ce que tu veux. Au nom de Jésus, Amen.